Ma journée ne commence que quand je le vois, ton sourire immense qui fait qu'existe la joie. Il est tout le temps là, même quand on veut pas, quand dans ton cœur la tempête sonne le glas la trompette. Il y a des jours où je ne te vois pas, et ces jours-là ne commencent pas, ne commence pas, ne commence pas, ne commence pas. Ma journée ne commence que quand je l'entends, ta voix qui me donne du sens, moi qui croyais n'être important. Je croyais, mais avec toi, je n'ai plus besoin de croire, juste d'ouvrir les yeux comme ça, du regard te manger, te boire. Il y a des jours où je ne te vois pas, et ces jours-là ne commencent pas, ne commence pas, ne commence pas, ne commence pas. Les jours qui ne commencent pas traînent de la pluie, des orages. Je garde dans ce ciel la rage de revivre ta joie.